J'aimerais remonter les larmes dans tes yeux. J'aimerais me taire. J'aimerais taire les peurs, le tonnerre. J'aimerais te serrer aussi fort que je peux. Pardonne, tu me pardonnes. Les feuilles qui tourbillonnent, il y a tant de beauté dans tes sourires. Et à faire vomir quand je bouleverse tes yeux. J'en crève tellement, je m'en veux. J'aimerais remonter les larmes dans tes yeux. J'aimerais reprendre. J'aime. J'aimerais te serrer aussi fort que je peux pour que tu comprennes, que tu comprennes combien je t'aime. Les affaires.